D'accord. Bon, ben, bonjour, je m'appelle Nazira Dutour, je suis porte-parole du collectif des familles de disparus en Algérie et je suis aussi présidente de la Fédération euro-méditerranéenne contre les disparitions forcées. Donc vous avez compris, je travaille sur des disparitions, mais forcées. Hein, c'est des personnes qui, ont été arrêtées pour la plupart, c'est des personnes qui sont arrêtées par les forces de l'ordre dans leur pays et qui sont disparues et à ce jour, et les parents les recherchent. Donc je suis aussi, malheureusement, malgré moi, je ne l'ai pas cherché, mais c'est arrivé quand même, mère de disparu. Mon fils a été arrêté exactement le 30 janvier 1997 à Alger. Je suis algérienne et depuis ce jour-là, je n'ai plus de ses nouvelles. Et depuis ce jour-là, je suis sortie pour ne plus rentrer. Voilà, chercher mon fils. D'abord, j'ai commencé par le chercher, à essayer de le retrouver. Et puis, les années se passent et on a créé l'association. Et on a créé justement l'association. En 1998, on a fait le lancement de l'association le 10 décembre 1998 à l'occasion des États généraux des défenseurs des droits de l'homme qui avaient lieu au palais de Chaillot. On avait organisé un lâcher de ballon à l'extérieur, c'était très joli d'ailleurs, c'est très réussi. Et on a eu pas mal de personnalités qui sont venues nous soutenir à l'extérieur, qui ont quitté le palais, qui sont venues nous soutenir pour se lâcher le ballon et être avec nous. Et donc, ça, notre association a le même âge que la déclaration internationale sur les défenseurs des droits de l'homme. Elle a 20 ans, notre association maintenant. Et mon fils, ça fait 22 ans, ou ça fera 22 ans au mois de janvier, que je l'attends. Mais il ne revient pas. Et puis bon, je continue à l'attendre, mais c'est-à-dire que je ne reste pas assise à ne rien faire, à l'attendre, non, parce que je parcours le monde, je n'arrête jamais, je suis toujours en train de courir d'un avion à l'autre, d'un train à un autre train, et ainsi de suite. Et voilà, quand je porte la parole des familles de disparus, je parle des disparus, je porte la parole même des disparus eux-mêmes, et des disparus d'Algérie et des disparus de la région euro-méditerranéenne aussi. Et je rends hommage à toutes ces femmes qui se battent dans leur pays. Et je dis femmes, il y a aussi des hommes qui se battent pour retrouver leurs disparus. Ou ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est qu'après des années, on change de stratégie et on va parler de vérité et de justice plutôt que de retrouver les nôtres. Mais ce sont des hommes aussi, mais beaucoup sont les femmes qui se battent dans leur pays pour retrouver leurs enfants ou leurs époux ou les filles qui veulent retrouver leur papa. Et c'est des femmes qui, malgré elles,